Quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux hérésies et à leur histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Lundi, nous nous sommes demandé avec Jean-Pierre Chantin quelles étaient les différentes occurrences du terme d'hérésie et de secte. Mardi, eh bien, nous avons essayé de comprendre si on pouvait considérer, et s'il l'avait été d'ailleurs, Henri VIII, créateur de l'Église anglicane, comme un hérétique. Hier, nous nous sommes demandé comment était née justement cette notion d'hérésie dans le monde chrétien du IIe siècle. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire signé Olivier Chomel et Anne Fleury revient sur une des hérésies les plus célèbres, celle des Vaudois, qualifiée comme telle par le pape dès le début du XIIIe siècle. Mais nous allons être dans une toute autre période, au début de l'époque moderne, au XVIe siècle, au moment où, dans le Luberon, sous François Ier, on va décider du massacre des Vaudois du Luberon. C'est ce que nous raconte ce documentaire, avec les témoignages et les analyses de Jean-Jacques Dias, de Claude Aurouze, d'Élodie Burger, de Gabriel Audizio et de Michel Walter. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, le massacre des Vaudois du Luberon. Avancer un petit peu. Hein. Le paysage est magnifique. Hein. Voilà. Quand vous irez visiter le Luberon, quand vous en goûterez la sauvage quiétude, n'oubliez pas que dans ces paysages lumineux, qui l'été s'endorment au soleil et embaument la lavande, se sont déroulés de lugubres drames, que tel tas de pierres sont les témoins d'un ouragan de fanatisme, que dans ces grottes où vous ferez halte, des femmes et des enfants sont morts enfumés, et que trop de clochers ont servi de gibet. Henri-Paul Edoux, 1959. Donc on va prendre la Durance comme base. Hein. Donc vous l'avez ici en bas avec sa vallée. Là nous sommes au nord de la Durance. Jean-Jacques Dias. Et on tourne le dos donc au contrefort du Luberon. Hein, une montagne qui s'élève jusqu'à un peu plus de 1000 mètres. Au Mourenègre qui est son point culminant. Et là, vous avez tout un ensemble de petites vallées un peu cachées et également de grottes qui ont pu servir de refuge au moment des persécutions. Donc ici, sur le site de l'ancien château, entre les ruines donc du donjon et les ruines de la chapelle castrale, on a ce site intitulé donc le Mémorial Vaudois, où l'on a installé donc avec l'aide des Italiens et des Allemands, une simple pierre sur laquelle il est gravé « En mémoire des Vaudois de Provence, morts pour leur foi, 1545 ». 1545, le massacre des Vaudois du Luberon. Olivier Chomel, Anne Fleury. Quand les opérations se sont déclenchées, les troupes qui participaient à l'opération se sont séparés en deux. Une partie est venue sur le pays d'Aigues, donc évidemment on a brûlé les villages. Vers l'est du Luberon. On est au nord de Pertuis. Et une partie a suivi la Durance directement, Villelor, où il y avait également des Vaudois, puisque un village qui s'appelait Trézémine a été détruit, dit-on. Et puis les deux troupes se sont rejointes au niveau de Lourmarin. Donc le pire a commencé justement à partir de Loris, Mérindol, et petit à petit s'est amplifié en arrivant avec le paroxysme à Cabrières du Comtat, hein, bien sûr, et Murs, Lacoste, etc. C'est pour vous dire que ici, finalement, on a eu un peu de chance, dans la mesure où on a eu peu de victimes, ce qui explique que nous avons eu beaucoup de descendants, beaucoup de survivants, ce qui n'est pas le cas de Cabrières du Comtat, où beaucoup ont été exécutés, beaucoup sont morts dans les bois parce qu'il était absolument interdit de leur porter secours, donc beaucoup sont morts de faim ou d'épuisement dans les bois. On dit que presque autant de personnes sont mortes dans ces conditions que Par le massacre lui-même. Par le massacre lui-même. Hop, on va y là, c'est l'église catholique. Oui, l'église catholique du village. Et oui, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temples protestants dans cette partie-là du Vaucluse. Vous avez encore le temple à Lourmarin, le temple à Mérindol, mais tout près d'ici, vous avez la commune de Gordes, où il y a eu aussi une grosse présence vaudoise. Et au 19e, on a plusieurs des hameaux de Gordes qui sont des hameaux protestants. Le principal étant le hameau des Gros. Et les protestants sont plutôt à l'écart des villages? Oui, souvent. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on est au XIVe siècle entre deux territoires vraiment distincts. Une partie qui est en Provence et une partie qui est dans le comtat venaissin, donc dans le territoire pontifical. Et là, on est dans les limites, ici. On est entre deux. Donc ça, c'est la première juridiction. La deuxième juridiction, c'est le fait que l'on est... On va aller à gauche, pardon. On est entre deux évêchés. Donc l'évêché de Carpentras et l'évêché de Cavaillon. Donc, Opède, c'est l'évêché de Cavaillon. Ici, on est encore à l'évêché de Carpentras et l'évêché d'Apt est tout proche. Donc, ce qui fait qu'il y avait aussi quelques petites guerres comme ça par rapport aux évêques, hein, qui chacun voulait récupérer un petit peu le pouvoir de l'autre. Mais on sent bien que le cœur du sujet, c'est des histoires de pouvoir. Absolument. Comme souvent d'ailleurs. Cette histoire des Vaudois ne doit pas grand-chose à la Suisse, enfin au moins au début. Ça vient d'un personnage qui est l'initiateur du mouvement, qui s'appelle Pierre Valdo, qui en réalité ne s'appelle ni Valdo, ni certainement Pierre, Gabriel Odizio. En latin, on l'a appelé Valdo. Personnellement, je préfère l'appeler Vaudès. Bon, c'est un petit péché méridional qu'on me pardonnera, mais je crois que ça devait peut-être être ça. En tout cas, c'est aussi valable que de l'appeler Valdo. Mais on ne connaît pas son prénom. Quand on lui affecte le prénom Pierre, nous sommes déjà au XIVe siècle. Donc, c'est-à-dire déjà deux siècles après la naissance du mouvement. C'est parti de Lyon, hein, comme vous savez, puis progressivement, ça s'est étendu vers le sud-ouest. Bon, alors on comprend, là aussi on pourrait expliquer pourquoi Pierre et pas André, ou parce que Pierre, ben, c'est le fondateur de l'Église, donc quelqu'un qui fonde un mouvement comme ça, ben, on va l'appeler Pierre. Ce bout de Provence a un charme et un succès fou. En témoignent les importants contingents de Britanniques et de Parisiens qui s'y retirent. Les autochtones s'en plaignent un peu, n'ayant pas toujours les moyens de suivre. Au tournant des 15e et 16e siècles, la question se posait autrement, et les Vaudois, ou pauvres de Lyon, qui colonisèrent le Luberon en provenance du Piémont, n'ont pas investi inconsidérément. Les villages avaient été désertés, personne ne voulait de ces terres-là. Comme ils travaillaient dur et qu'ils étaient de bons contribuables, la population catholique locale laissait ces hérétiques relativement tranquilles. Mais les temps changent, et brusquement, il fut décidé de se débarrasser des Vaudois. Un déchaînement. Il y avait certes un désaccord théorique portant sur d'insignifiants détails, mais massacrer ces braves gens au prétexte que leur foi s'égarait était surtout un moyen bien commode de s'accaparer leurs biens. Pour l'Église catholique, apostolique et romaine, la moindre déviance pouvait caractériser l'hérésie et valoir impitoyable persécution. Au XVIe siècle, un savant extrêmement scrupuleux s'était donné pour tâche de dresser un inventaire typologique des hérésies. Il en avait dénombré 432. Ça laisse songeur. Mais revenons aux origines des pauvres de Lyon. Nous sommes dans les années 1170. Et là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont voulu revenir un peu à l'écriture. C'est la base du christianisme. Or, cette écriture, elle était proclamée en latin depuis des siècles. C'est-à-dire que la population ne comprenait pas. Alors il y a des gens qui ont voulu, Vaudès lui-même a fait traduire quelques livres du Nouveau Testament et s'est mis à prêcher. Alors c'était un riche personnage, on sait qu'il était l'un des créditeurs, des créanciers plutôt, de l'évêché de Lyon, primat des Gaules, et l'évêché de Lyon, c'était pas rien, hein, c'était l'un des grands personnages de la société, enfin comme dans l'ancienne société, les évêques étaient des seigneurs quand même. Et paraît-il que c'est parce qu'il a pris au sérieux cette parole de Jésus dans l'Évangile qui dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille » et il a pris ça au pied de la lettre. Donc il a vendu tous ses biens, il avait deux filles, il les a casées, Je pense qu'il devait avoir un charisme assez particulier, parce que très vite, des gens se sont attroupés autour de lui pour vivre comme lui. Donc, Et ça prend. C'est pas facile à vendre, la pauvreté. Et non, c'est pas facile. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il a eu cet impact? Parce qu'il s'est fait pauvre lui-même. Il n'a pas dit aux autres, soyez pauvres. Il faut revenir ici un peu à l'histoire de la pauvreté au Moyen-Âge. Quelle était l'image de la pauvreté? C'était celle de Saint-Martin. Saint-Martin, à la porte d'Amiens, par un hiver rigoureux. Alors, Martin n'est pas encore baptisé, il est soldat romain, il passe à cheval, il passe à la porte d'Amiens, et il voit un pauvre locoteux, là, sur le bord de la route, en train de crever de froid. Et que fait-il? Il partage son manteau, c'était la grande chlamyde rouge là des soldats romains, il partage sa chlamyde en deux et il en donne la moitié aux pauvres. Bon. Et lui, il fait route. Et la nuit qui suit, le Christ lui apparaît, vêtu de la moitié de la chlamyde qu'il avait donnée aux pauvres. Conclusion de cette affaire. Ben, si vous voulez aider les pauvres, soyez riches. Or là, il y a un renversement de valeur qui se produit. Si tu veux être sauvé, il faut être pauvre. Et non pas seulement aider les pauvres. Mmh. Et comme Vaudès applique ce qu'il prêche, eh bien, ça a beaucoup d'impact. Au début, Valdo ou Vaudès prêchent en ville, à Lyon même. Oui. Donc, il est rapidement repéré et suspect. Oui, en quelques années. Il devient suspect, puis on lui donne la vie dure, et finalement arrive la sentence de 1184, qui est la condamnation qui est obtenue, non pas pour hérésie d'ailleurs, mais on les taxe de schismatique, c'est-à-dire... Ils refusent de se soumettre, on leur a interdit de prêcher, ils continuent, donc voilà. Mais moi je pense que pendant longtemps, quoi qu'étant condamné, les Vaudois se sont quand même toujours sentis membres de cette église, qui les condamnait. Claude Rouze. Ce qui a été le drame pour Vaudès et pour les Vaudois, c'est qu'ils n'ont pas désiré créer un ordre. Ils ont voulu rester laïcs. Petit à petit, évidemment, la hiérarchie... a commencé à froncer les sourcils, à se dire « mais ce brave homme fait un peu un travail qui normalement est de notre ressort ». Donc, et c'est comme ça que ça s'est terminé par l'excommunication. Hein. Les Vaudois vont être condamnés, 4e concile de Latran, 1215, condamnation définitive comme hérétique, et on ne sait pas exactement quand Vaudès est décédé, on parle de 1217 peut-être en Bohême. Il s'agit pour Rome de mettre de l'ordre parmi les fidèles qui croient de travers, hein, Gabriel Odizio. Bien sûr, la grande menace à l'époque, on a du mal à le réaliser aujourd'hui, c'était la menace cathare. L'église romaine a eu le sentiment qu'elle vivait ses derniers jours. C'était une espèce de panique devant cette extension du mouvement cathare. Et c'est pourquoi, dans les premiers temps de la prédication de Vaudès, jusque dans les années 1230, ils étaient condamnés, mais on ne les poursuivait pas. Parce qu'il y avait le front cathare contre lequel l'Église était en guerre, en véritable guerre. Or, en 1229, c'est le traité de Paris-Meaux, qui règle définitivement la question des cathares. Ils ont été éliminés, il y a eu des... Enfin bref, ça, c'est une autre affaire. Et entre-temps, les Vaudois ont en quelque sorte participé à l'extirpation des cathares. Non. Ils ont prêché contre. Ah oui, voilà. Et ils ont prêché contre, et c'est pour ça aussi que l'Église les a tolérés. Parce qu'ils étaient efficaces. Ils ramenaient à l'Église paroissiale des gens qui ne fréquentaient plus, ou voilà. Donc il y a eu cette double cause. D'une part, on ne peut pas se battre sur deux fronts, et d'autre part, les Vaudois sont relativement efficaces vis-à-vis des cathares. Mais une fois la question cathare réglée, alors l'Église se retourne contre les Vaudois, et l'Inquisition en particulier. Les premiers procès que l'on connaisse sont de 1230. Donc vous voyez que par rapport à 1170, ça fait quand même 60 ans, c'est presque deux générations. Et aussi, il y a une autre conséquence de l'Inquisition, c'est l'expansion du mouvement. C'est-à-dire que les Vaudois se sont mis à fuir progressivement, donc le territoire couvert est de plus en plus important. Quand vous arrivez au XVe siècle, c'est une véritable diaspora européenne qui existe, depuis le sud-ouest, Montauban, en passant par la Provence. Non, la Provence n'est pas encore atteinte au XVe, il faut attendre le milieu XVe. Mais enfin... le Dauphiné, les bordures de la Suisse et de l'Alsace. On passe ensuite en Piémont, ça va jusqu'en Bohême, l'Allemagne du Sud, et puis la grande zone de Poméranie et Brandebourg. Jusqu'à la Baltique. Jusqu'à la Baltique. Vous êtes Jean-Jacques Dias, vice-président de l'association d'études vaudoises et historiques. Du Luberon. Du Luberon. Voilà. On dit bel et bien Luberon et pas Luberon. Eh oui, oui, oui. C'est les Parisiens qui ont tendance à accentuer le « et ». Le « et » qui n'existe pas en provençal. Nous sommes sur les hauteurs de Mérindol, voilà, qui se trouve dans la vallée de la Durance, qu'on domine. Et les bâtiments ruinés qui sont autour de nous ont rapport avec l'histoire qu'on raconte. Alors bien évidemment, nous sommes sur le site de l'ancien village de Mérindol, qui a été reconstruit donc par des immigrants venus des Alpes, qu'on appelle donc les Vaudois, au tout début du XVIe siècle. À une époque où le village était pratiquement abandonné. C'est une question de dépopulation au niveau de l'ensemble de la province. Il y a eu toutes les calamités de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, depuis la peste noire de 1348, jusqu'à des guerres intestines, des famines, etc. Ce qui fait que nombreux étaient les villages inhabités, inhabitatum en latin, suivant les recensements de l'époque. Et Mérindol était l'un de ceux-là. Mmh. Et donc pour les seigneurs locaux, c'était évidemment un manque à gagner considérable. Donc à partir de 1460 à peu près, les seigneurs vont réellement faire de la colonisation, si vous voulez, à partir de ce qu'on appelle les actes d'habitation. On fait signer donc à toute un groupe de familles, une dizaine, une douzaine, une trentaine, un peu plus, un acte par lequel donc ils s'engagent à construire les maisons, planter des arbres, mettre en culture, etc. Tout faire. En échange évidemment de redevances féodales qu'ils paieront une fois que tout cela sera mis en culture. On et les petit a fait à venir petit, de loin. En général, ce sont donc des habitants des montagnes, soit du Massif central, soit des Alpes, qui viennent ici en Provence. Pour ce qui nous concerne, c'est évidemment, suivant le chemin de la Durance, des hauts alpins qui viennent s'installer en Basse-Provence. Et donc ce sont des populations qui vont petit à petit recoloniser cette zone du Luberon, entre Durance et les crêtes donc de la montagne, dans ces années 1495-1514, à peu près. Michel Walter. Pour reprendre un exemple très personnel, ma famille qui faisait partie des 11 familles ayant signé l'acte d'habitation de Mérindol en 1504, qui s'appelait Ménard. Dans la continuité de la descendance Ménard, nous sommes tous restés protestants et nous sommes attachés non seulement à cette foi, mais également à cette histoire. Nous sommes vaudois, mais devenus en 1532 par le synode de Champforan, nous sommes devenus protestants. Et en France, il n'y a pas de différence entre les vaudois et les réformés. Voilà, nous sommes réformés, mais... On s'y perd un peu. Oui. pas ici, pas en Provence en tout cas. Les vaudois sont venus ici avec une volonté de faire, parce que c'est pas un mince travail que de repeupler une région comme celle-là, qui est peut-être un peu ingrate du point de vue agronomique. Disons, il faut savoir qu'ils venaient d'une région encore plus aride, qui était les Hautes-Alpes, ou les Alpes du Piémont, et ils étaient très nombreux, donc ils crevaient de faim, mais par contre c'était des travailleurs acharnés, donc ils avaient un savoir-faire, et donc ils ont trouvé ici plutôt des terres riches, bien arrosées, plus faciles à travailler que ce qu'ils avaient connu dans les montagnes. Et ils sont venus ici, tout simplement, c'était une migration économique, quoi, et puis religieuse, puisqu'ils étaient pourchassés par des inquisiteurs qui étaient assez virulents dans cette partie des Alpes. Et ici, c'était considéré à cette époque, au début du XVIe, comme une région assez pacifique. Donc il y avait des échanges entre... Il suffisait de remonter la Durance et puis on se retrouvait dans le Piémont. Et donc ils savaient que c'était plutôt ici assez pacifié, tranquille, où ils pouvaient, avec une terre riche, ils pouvaient développer leur activité agricole en toute sécurité. De l'autre côté. Il y a eu à peu près 3000 migrants qui sont venus s'installer ici dans le Luberon. 3000 familles ou 3000 personnes ? 3000 personnes à peu près. Hein. Il y a cette grande originalité dans cette communauté religieuse, c'est qu'ils sont tous paysans. Donc la dispersion, la ruralisation, mais aussi, moi, ce que j'ai appelé la clandestinité, mais je me suis fait reprendre par un collègue italien, je crois qu'il a raison, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas des clandestins au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans des grottes à l'écart des autres, pas du tout, ils sont parfaitement intégrés. Mais ils cachent leur dissidence, en fait, voilà. Ils sont clandestins quant à leur dissidence. Pour le reste, on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos du Luberon, ils sont tout à fait comme les autres, apparemment. Bon. Donc dispersion, ruralisation, clandestinité et aussi organisation. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, pour survivre, de créer une institution qui leur soit propre pour pouvoir maintenir cette unité dans la dispersion. Il y a un côté occulte à tout ça. Et dans la mesure où il y a la clandestinité, il y a forcément quelque chose qui est caché, bien sûr. Ouais. Mais à l'origine, qu'avons-nous dans le mouvement vaudois ? Nous avons des hommes et des femmes qui prêchent. Ça, c'est très original. Hein. Ah, mais surtout pour la société de l'époque. Alors comment transmettre l'écriture puisque les gens ne savent ni lire ni écrire ? Alors ce sont des gens qui sont formés. Au sein même de la communauté vaudoise, peu à peu va naître un groupe particulier. Tandis que dans les premiers temps, ils avaient des diacres. Donc ils avaient un peu copié la hiérarchie catholique au fond. Et là, peu à peu, ils ont mis un ensemble original, qui est propre aux vaudois, on n'en connaît pas d'autres, qu'ils ont appelé barbe. Comme la barbe, mais parce que c'est un terme piémontais. Barba en piémontais, ça veut dire oncle. C'est à la fois un terme de familiarité et en même temps de respect et d'honneur. Vous voyez, c'est très subtil, ça, je trouve. Ça n'a pas de rapport avec les poils du menton. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ces barbes ? Ils sont recrutés dans la communauté, donc, et ils sont recrutés à un âge déjà autour de 25-30 ans. Donc c'est des gens qui ont déjà fait un peu leur preuve, on peut leur faire confiance, je suppose qu'ils sont volontaires, et on les forme à ce moment-là. Une formation très intéressante, parce que la formation est double. L'hiver, c'est le moment où on apprend les choses, et ils apprennent par cœur des livres, par cœur et en langue romane. Et l'été, on les adjoint à un barbe plus ancien, et là c'est la tournée des familles. Donc c'est une mission itinérante. C'est toujours, bien sûr, celui qui est le plus ancien qui prêche, l'autre écoute, mais on l'exerce à prendre la parole peu à peu. Ces ministres, nommés barbes ou oncles, allaient de lieu en autre, sans longtemps séjourner en une place. Et pour consoler ce pauvre peuple, le plus souvent les assemblaient de nuit, quelquefois en une fosse ou carrière, par crainte de la persécution. Ces assemblées clandestines ont donné occasion aux méchants de les charger de toute calomnie, comme on avait fait des chrétiens en la primitive Église. Ils ont été estimés du vulgaire, incestueux, sorciers, enchanteurs et tout dédiés au diable, faisant conventicule, tant pour exercer paillardises et autres choses exécrables, que pour faire leur sabbat, juste de leur terme, avec le diable qui là se présentait. Voilà comme les serviteurs de Christ sont diffamés. Voilà comme le monde s'informe de la vérité, appelant la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières et autres circonvoisins appelés Vaudois. 1556. Quand il se présentait à une famille, il se présentait la nuit tombée. C'est tout ça qui est intéressant. On attend que la nuit tombe pour ne pas éveiller de soupçons. Ils se font reconnaître. Et ils ne frappent pas à n'importe quelle porte. Bien sûr que non. Le barbe plus ancien sait quelles sont les familles. Il les connaît, il a déjà fait le tour des popotes. Donc, il est reconnu. Et il y a un témoignage qui est piquant, parce qu'il est pris sur le vif. Le futur barbe, Pierre Griot, raconte que quand il était chez un tel à Sivergues, la famille chez qui il était avec son compagnon plus formé, plus âgé, la famille a envoyé quelqu'un plus loin dans une autre ferme pour annoncer que les barbes sont arrivées. Non, que les oncles sont arrivés. Il a dit en français. Autrement dit, S'il y a un étranger dans la famille à ce moment-là, il entend une banalité. Il y a le tonton qui passe, bon, si tu veux aller dire bonjour, voilà. Bon. Mais si vous êtes vaudois, voilà, vous captez que les oncles, c'est les barbes. Et une fois par an, tous les barbes se retrouvent dans un synode, j'allais dire national, non, il n'y avait pas de nation, se retrouvent dans une assemblée générale, on va dire, de la communauté. Le plus souvent, ça a quand même été dans un bled des montagnes piémontaises. Et ça dure peut-être, enfin plusieurs jours en tout cas. Et on met tout en commun là. Et on règle les problèmes qu'il y a. Par exemple, quand en 1532, à Champforan, se retrouve Pierre Griot avec cette assemblée, l'autre barbe qui était avec lui se lève et dit « Nous avons un problème en Provence, il y a un inquisiteur qui s'appelle Jean de Roma, et il faut qu'on règle la question, et si vous m'en chargez, je vais... » Voilà. Et on a le compte exact des gens qui ont été poursuivis par Jean de Roma, on en est à 150 et quelques. Bon, voilà. Et il a fait ça en un an et demi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, eh ben, il faisait chausser des bottes en métal ou en cuir à ses prisonniers. Enfin, il y en a quatre. C'est attesté au moins pour quatre. Et puis, il les faisait chauffer sur le feu. Il mettait de la graisse dedans. Donc, évidemment, ça déliait les langues relativement vite. Mais il y en a un qui, par exemple, qui n'a plus pu marcher après. L'ennui avec Jean de Roma, c'est parce qu'il y avait deux types d'inquisiteurs. Il y avait les inquisiteurs qui étaient des théologiens et les inquisiteurs qui étaient des juristes. Et les juristes, ils étaient plus rigoureux dans le... Ils respectaient le droit. On n'a pas le droit, par exemple, ce qu'ils faisaient, c'était absolument interdit. Il y a quatre tortures qui sont autorisées par l'inquisition et pas une de plus. Et il y avait des règles très strictes à l'inquisition. Le sang ne devait pas couler, les aveux devaient être renouvelés le lendemain après une nuit de repos, enfin, etc. C'était pas, on ne faisait pas ce qu'on voulait quand même. Hein. C'est de la soupe, alors, là. L'histoire. Là, oui, c'est le songe. Jean-Jacques Dias, il y a un acte juridique qui est capital dans l'histoire qu'on raconte, qui est pris le 18 novembre 1540, et qu'on appellera l'arrêt de Merindol. Oui. D'où vient cette décision de justice? Pourquoi sera-t-elle retardée de 5 ans? Et pourquoi sera-t-elle finalement exécutée, puisque c'est l'adjectif qui convient? Voilà. Alors, l'arrêt de Merindol, il est effectivement pris par le roi de France, François Ier, à la suite d'un certain nombre d'exactions commises ici par ceux dont on commence à appeler les Vaudois, puisqu'ils ont été découverts par Jean de Roma, l'inquisiteur, dans les années 1530. Ils ont été débusqués un peu. Débusqués, voilà. Cet inquisiteur a été mandaté justement pour découvrir ce qu'on appelait les luthériens à l'époque. Hein. Donc on est début 16e, on est peu de temps après donc, les événements de Wittenberg et le scandale de Luther. On cherche les luthériens et en cherchant les luthériens, on va trouver les vaudois. Il a repéré donc que ces gens qui avaient une croyance un petit peu particulière avaient tous des noms originaires du Piémont, qu'ils étaient plus ou moins de la même famille, qu'ils se mariaient entre eux. Dans l'ensemble, les Vaudois font tout pour ne pas se faire remarquer. Tout à fait. Mais si vous voulez, le problème qui leur est arrivé à partir donc de 1532, lorsqu'ils décident d'adhérer à la réforme, enfin du moins leur prédicateur, ce qu'on appelle les barbes, réunis à Champforan en Piémont, ont décidé d'adhérer à la réforme, ils ont décidé aussi de sortir de la clandestinité. Et certains d'entre eux, donc, ont aussi décidé de résister à la répression. Et l'un d'eux, donc, est devenu un petit peu le chef de ce mouvement violent, c'est Eustache Maron, originaire de Cabrières d'Avignon, qui, en particulier, va délivrer certains de ses compagnons qui avaient été incarcérés dans les prisons de Cavaillon. Délivré par la force. C'est un fait d'armes, voilà, délivré par la force. Et ces événements-là vont inquiéter les autorités. L'arrêt lui-même de Merindol ne vise qu'un certain nombre de personnes, 18 au total, originaires du village de Merindol, ici, qui sont allés saccager de l'autre côté du Luberon une propriété qui était le moulin de Colin Pélenc, Colin Pellin qui était, a été arrêté, on a trouvé chez lui la Bible, on a trouvé chez lui un certain nombre de textes subversifs. Cet homme-là, avec un de ses siens cousins, va être brûlé à Aix-en-Provence. Et la propriété saisie devait être vendue pour le roi. Mmh. Et l'idée des jeunes d'ici, c'est d'aller saccager ce moulin, de manière à ce qu'il soit invendable. Une sorte de petite vengeance. Que le bien ne soit pas saisi. Voilà. Mais ils sont repérés, dénoncés. Et donc, à partir de 1540, ce sont ces jeunes-là que l'on va essayer d'arrêter. Par cet arrêt, non seulement l'édit de Mérindol, assignés à comparaître, furent condamnés à être brûlés incontinent qu'on les pourrait prendre et saisir au corps, comme atteints et convaincus de crimes de lèse-majesté divine et humaine, leurs biens acquis et confisqués au roi, mais aussi, par le dit arrêt, furent condamnés tous les manants et habitants du dit Mérindol, auquel lieu il y avait bien 80 ménages, à être tous brûlés, tant hommes que femmes qu'enfants, sans réserver aucune personne. Et par le même arrêt fut dit que toutes les maisons de Mérindol seraient abattues, et le village rasé et déshabité, et tous les arbres coupés, tant oliviers qu'autres, sans rien laisser, et ce à 500 pas à la ronde, pour rendre le lieu du tout inhabitable. 10 ou 12 jours après que le dit arrêt fut donné, il fut fait un grand festin en la ville d'Aix, auquel était le président Chassané et plusieurs conseillers et autres personnages nobles et d'autorité. Aussi y étaient l'archevêque d'Arles et l'évêque d'Aix, avec les dames et damoiselles, entre lesquelles il y en avait une qui était, selon le bruit et commune renommée, estimée paillarde de l'évêque d'Aix. Icel, au commencement du banquet, commença à dire « Monsieur le Président, ne voulez-vous point faire exécuter l'arrêt qui a été donné ces jours passés contre ces luthériens de Mérindol ?» Et le président ne répondit rien, feignant qu'il n'eût entendu ce qu'elle disait. En attendant, puisque l'arrêt de Mérindol est pris en novembre 1540, oui, exécuté finalement en avril 1545, la population locale, sachant que l'arrêt court toujours, qu'il est remanié à différentes occasions, vit dans la terreur, enfin, elle attend non, le dénouement. En réalité, ils ont confiance dans les professions de foi qu'ils ont envoyées au roi, ils ont confiance dans les gens qui essayent de les défendre auprès de la cour. Ils n'imaginent pas véritablement ce qui va se passer. Alors ? En 1545, on a Meynier de Pède qui est devenu premier président du Parlement. Ce personnage de noblesse relativement récente, mais qui a beaucoup d'ambition personnelle, va jouer sur tous les tableaux, étant donné qu'il est aussi un seigneur pontifical. Interpapal. Hein. Il est Meynier d'Oppède. Oppède, c'est interpapal. Il est viguier de Cavaillon aussi. Il est premier président du Parlement de Provence. Et il va avoir toutes les cartes en main au bout d'un moment, ayant donc l'autorité judiciaire, l'autorité de police. Et on va avoir les troupes nécessaires pour faire une opération d'envergure. Étant donné que quelques années auparavant, un capitaine était venu ici à Mérindol pour voir un peu quelle était la situation, il avait dit « Moi, à moins de 2000 hommes, je bouge pas, je fais rien. » Et on va donc avoir le concours de troupes qui nous viennent d'Italie, des troupes royales. Et ici, on a donc un certain nombre de mercenaires qui sont sous l'autorité du baron de la garde. Et c'est cette troupe-là qu'on va utiliser. Alors, ce sont des mercenaires qui sont de l'Adriatique. Hein. On a des Bulgares, des Croates, des Albanais, etc. Un recrutement un peu composite. Des gens donc qui sont sans foi ni loi, on peut le dire. Et c'est eux qui vont ravager le Luberon, en réalité. Alors, c'est une carte au 150 millième. Nous, on est ici à Cabrières d'Avignon. Qui est synonyme de Cabrières du Comtat. Exactement. Et le dit Burger. Le massacre de 1545 va démarrer. Hein. Les troupes partiront de Pertuis en direction de Mérindol, de Lourmarin évidemment, et ensuite vont remonter donc, en direction du nord pour aller s'avancer vers donc, Cabrières d'Avignon, et ensuite remonter, se diriger à Joucas, se diriger à Murses. Donc vraiment une grosse portion ici autour de la vallée du Calavon. Ils vont détruire les villages, Ils vont les brûler, ils vont assassiner les gens. On parle de plus de 3000 morts. Et dans des conditions sauvages. Dans des conditions extrêmement sauvages. 900 femmes et hommes envoyés aux galères, des enfants violés. Vraiment un épisode absolument sanguinaire de l'histoire. Je sais ce que j'ai à faire de ceux de Mérindol et de leurs semblables. Je les veux prendre tous, sans qu'aucun puisse échapper de mes mains. Et je les enverrai habiter au pays d'enfer avec tous les diables, et eux et leurs femmes et leurs enfants. Et en ferai telle destruction que j'en ôterai leur mémoire hors des hommes. Jean Meynier d'Oppède, premier président du Parlement de Provence. On imagine un personnage pas très sympathique. Absolument pas sympathique, non. Non, non, c'est vraiment pas ce qu'on retient de lui. Quels sont ses intérêts ? Ses intérêts, c'était très certainement de ramener les gens vers la religion catholique, de ramener de bons croyants, de bons chrétiens, et de spolier aussi les biens des Vaudois, parce que ceux-ci étaient quand même de très bons agriculteurs, relativement économes, hein, parce que... Et qui ont valorisé la terre. Qui ont valorisé la terre, qui ont valorisé tous ces villages, et donc qui ont aussi apporté, évidemment, hein, beaucoup au seigneur de chaque village. Et donc lui, il avait dans l'idée d'agrandir un petit peu ses terres, quand même. Voilà, faut pas... Alors nous sommes ici, donc, sur le site le plus haut. On voit l'Oris, on voit Pertuis. Et puisque c'est de là que sont venues les troupes royales qui ont mis le Luberon à feu et à sang, on comprend bien que les habitants ici n'ont pas attendu benoîtement que les soldats arrivent jusqu'à eux. Hein, les incendies qui ont été provoqués par la destruction des villages à l'est ont évidemment alerté tout le monde. Et lorsque Meynier d'Oppède et ses troupes sont arrivés à Mérindol, puisque c'était l'arrêt de Mérindol de 1540 qui avait motivé cette opération militaire, les habitants avaient fui, s'étaient réfugiés dans la forêt ou bien dans les grottes. Le samedi 18e d'avril à l'aube, le président d'Oppède, accoutré d'armes de guerre, écharpé de taffetas blanc au col, monté sur un grand cheval, commença à faire marcher son armée, ordonnée en avant-garde, bataille et arrière-garde. Ils parvinrent à Mérindol, où ils ne trouvèrent qu'un jeune compagnon nommé Maurizi Blanc. Le président le fit lier et attacher à un olivier, et à grands coups d'arquebuse, lui fit inhumainement finir ses jours. Mérindol fut vaillamment pris, pillé, brûlé, saccagé et rasé par les pionniers. Et comme il n'y eut personne, ce vaillant capitaine d'Oppède, armé de toutes pièces, tremblait. Et le voyait-on à tout propos changer de couleur. Mérindol est le seul objectif de l'expédition. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont saccager tous ces villages qui n'ont rien demandé ? Au départ, c'est Mérindol. Mais ensuite, ils sont joints les autres villages. On a un acte qui du Parlement qui dit qu'ils font... Enfin, c'est pas dit comme ça, mais il faut en profiter pour faire la propreté quoi dans le secteur. Mais vous savez, c'est dans la logique de cette société. Mais on n'a pas un massacre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, il y a eu Jean-Jacques Diaz. De nombreux tués, mais dans la semaine même, qu'on appelle la semaine sanglante, on n'a pas eu 3000 personnes qui ont été exécutées. En réalité, ceux qui avaient fui n'ont pas trouvé de secours parce que très rapidement, au mois de mai, on a décidé que toute personne qui porterait secours aux fugitifs se retrouverait punie de la même manière. Ça c'est le baron d'Oppède qui décrète ça. C'est le baron d'Oppède qui décrète ça en tant que premier président du Parlement de Provence. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont morts de faim. Il y en a qui sont morts en prison. Et il faut aussi savoir que non seulement on a les troupes, mais on a aussi tous les gens qui viennent au pillage à la suite. Il y a même des gens de Marseille qui sont venus, des gens de Salon, etc., qui sont venus au pillage. On récupère les tuiles, on récupère les barrières des jardins, on récupère tout ce qui est possible, le bétail bien évidemment. Et on va même avoir jusqu'à des soldats qui vont vendre des enfants. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez terrible qui s'abat sur le Luberon à ce moment-là. Voyez la grande offense faite par les méchants au pays de Provence contre les innocents. Car ils ont mis à mort les chrétiens à grand tort. Donc voilà, ici le château. Il y a une stèle. Oui, ici on a la stèle donc avec l'inscription. Hein. Donc en ce lieu de Cabrières du Comtat, donc Comtat venait ça, les 19 et 20 avril 1545, les troupes du roi et les mercenaires du pape, dirigés par Meynier d'Oppède, s'unirent pour exécuter les populations vaudoises du Luberon, retranchées dans ce château, sous la conduite d'Eustache Marron, cabriérois. Le lundi 20e d'avril, de grand matin, on commença la batterie. Et environ 8 heures, le président d'Oppède et le seigneur de Cabrières et le capitaine Paulin parlementèrent avec les habitants de Cabrières, leur remontrant qu'ils ne devaient rebeller devant la justice. Et soudain, l'ouverture fut faite par ceux de Cabrières. Mais le tyran d'Oppède, ayant le courage de bête sauvage, fit grande lâcheté et faussa sa promesse. Car l'ouverture faite, il fit prendre environ 25 ou 30 hommes de ceux que bon lui sembla, et les fit lier et mener en un pré dessous la ville. Et là, furent misérablement par les soldats tués et hachés en pièces. Le seigneur de Pourrier, gendre d'Oppède, était le plus vaillant à faire ce beau massacre. Et pour complaire à son beau-père, ôtant à l'un la tête de dessus les épaules et à l'autre coupait bras et jambes. Après, le président d'Oppède fit prendre 40 femmes, entre lesquelles il y en avait plusieurs enceintes, et les fit enfermer en une grange, et puis fit mettre le feu aux quatre coins. Entrez dans Cabrières pour la prendre et piller, femmes, filles et chambrières pour forcer et violer et meurtrir les enfants qui n'avaient pas 3 ans. Ces malheureux infâmes, plus que chiens enragés, les hommes et les femmes, tant les jeunes qu'âgés, ils les ont tous défaits, ces malheureux infaits. Ça n'est pas planifié dans le détail ce qui va se passer ici à Cabrières d'Avignon. Non, c'est vraiment... On va attaquer une place qui était une place forte, prendre une place forte. Il faut même s'imaginer que les Vaudois sont armés. Oui. Des tractations ont eu lieu. Eustache Marron a été convaincu d'ouvrir les portes de la ville. Exactement. On a dit que si on laissait passer, hein, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, si on laisse passer les troupes, ça se passera sans problème. Sauf que non. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Et ça, du coup, il y aura un massacre terrible ici, et puis seul... Peut-être quelques personnes ont pu partir de Cabrières et donc fuir justement hein, vers les nombreuses grottes que l'on a donc, le sur les monts de Vaucluse, oui, vers le nord, qu'on appelle des baumes hein, en provençal, une balme des baumes. Donc voilà, on a retrouvé hein, à l'intérieur de certaines baumes donc, sur la commune de Murs des ossements. Est-ce que c'est encore des ossements vaudois? Est-ce que c'est plus tardif? Voilà, il y a des datations qui ont été faites et qui ne correspondent pas toujours. L'événement a eu un retentissement extrêmement important dans les pays protestants. Hein, que ce soit en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Il est connu par le franchissement de la frontière vers Genève, par exemple, de quelques vaudois misérables réchappés d'ici. Il y a quelques miséreux qui sont arrivés effectivement à Genève. Et c'est assez saisissant de voir la campagne de propagande qui a été menée par les pays protestants pour justement faire l'inventaire, le catalogue de tous ces martyrs. Hein, les martyrs du Luberon étant donc un peu les premiers en ce qui concerne de toute façon le royaume de France. Hein. On peut dire que 1545, c'est un peu les préludes des guerres de religion qui vont commencer une quinzaine d'années plus tard. Savez-vous ce qu'on fera, on vous déchassera, et Dieu à la fin vous punira. En Jésus, on croira, son règne florira, et votre antéchrist confusera. Alléluia. un procès qui est organisé de différents protagonistes, dont le baron d'Oppède, le capitaine Paulin et d'autres. Et ça a lieu à Paris en 1551. Le procureur du roi a fait une enquête d'un an, va faire un réquisitoire qui dure une semaine. Le procès durera à peu près 2 mois, enfin, sur une cinquantaine de séances. Alors, l'affaire s'est passée de la façon suivante, c'est qu'il y a eu plainte de quelques seigneurs, dont la dame de Santal, qui portait le joli nom de Mérite du Trivuls. Mérite de Trivuls, qui fait partie, oui, d'une grande famille locale, mais qui avait ses entrées à la cour quand même. Donc, je veux dire, c'est pas un petit noblio provençal, hein. Et qui a subi des dégâts considérables sur ses terres, et qui donc porte plainte auprès du roi. Mais il s'agit de ses biens, pas des exactions qui ont été commises sur les personnes. Ah oui, mais elle était seigneur de ses biens, donc si vous saccagez les propriétés des paysans, vous les empêchez de payer les taxes au seigneur, donc ça lui retombe dessus. Donc avec quelques autres, donc elle a porté plainte auprès du roi, d'où le procès. Et jugement sera apporté. Oui, et le jugement, c'est qu'on va condamner quelqu'un pour un faux en écriture, qui n'a rien à voir avec l'affaire, et c'est tout. Et qu'arrive-t-il au baron d'Oppède ? Ah, le baron d'Oppède, il est rentré chez lui, il a... Il était relaxé. Ah oui, complètement, oui. Comment est-ce qu'une juridiction comme celle du Parlement de Paris peut blanchir ces personnages, et notamment Meynier d'Oppède ? Alors que les exactions dont ils se sont rendus responsables sont avérées et documentées par le travail de l'avocat général. Et documentées, mais le problème, si vous voulez, c'est pas le fait religieux qui a été mis en avant dans l'enquête. Hein, l'enquête, c'est simplement le fait qu'il y ait un certain nombre donc de biens qui ont été détruits. C'est la raison pour laquelle on a fait le procès. Du reste, les motivations du baron d'Oppède ne sont pas exclusivement « ces gens-là ne pensent pas comme nous, on va leur régler leur compte ». Il a aussi, derrière la tête, l'idée d'agrandir sa baronnie. On lui a fait ce reproche, effectivement. Hein, on a même aussi dit que la dame de Santal avait refusé ses avances et que c'était un petit peu de la vengeance de sa part. Alors j'ai une autre hypothèse à ce sujet. Il faut savoir que Meynier d'Oppède avait un fils unique, lequel est devenu protestant en 1531, donc bien avant notre affaire, et que, passant par Mérindol, il a gagné l'Allemagne et s'est marié en Allemagne en étant devenu protestant. Et alors l'hypothèse que l'on énonce, c'est de se dire qu'il avait fondé énormément d'espoir sur son fils unique, en pensant donc fonder un lignage qui est une grande importance ici en Provence. Et puis en fin de compte, son fils l'a complètement trahi en passant à la réforme. Et quelque part, c'est cette rancœur qui aurait nourri son envie d'en découdre avec les gens de Mérindol. Et la cruauté mise en œuvre. C'est la cruauté du temps. Lors de cette persécution, plusieurs soldats avaient pris dedans l'église plusieurs femmes et filles à marier et des petits-enfants à la mamelle. Les montèrent sur les charrettes qui allaient à Loris, chargées des blés pour mener à Cavaillon et en Avignon. Et en cheminant, ils firent chacun leur plaisir des dites femmes et filles, en présence des charretiers. Eux, arrivés à Loris, ils dépouillèrent les dites filles et femmes toutes nues, et les firent tenir par les mains comme en une danse. Et ainsi les firent aller par la ville et autour du château, et battant et frappant inhumainement. Et aux vieilles, ils mettaient des cornets de papier pleins de poudre à canon dans les parties honteuses, devant et derrière, puis ils y mettaient le feu. Jacques Aubéry, Histoire de l'exécution de Cabrières et Mérindol et d'autres lieux de Provence. Pourquoi tant d'atrocités sont commises, Gabriel Audisio, dans les opérations d'éradication des Vaudois du Luberon? Parce que c'est pas obligé d'aller jusque-là, crever les yeux des femmes, éventrer celles qui sont enceintes, leur couper les seins quand elles ont un nourrisson, et j'en passe. Ce sont des atrocités. Mais je crois que quand vous débridez, quand vous lâchez une bande de soldats qui sont à la limite des voyous, Voilà ce que ça donne. C'est pas le seul cas, hein. Ça s'est passé chez nous, mais quand on voit les horreurs de la guerre de 30 ans en Allemagne au XVIIe siècle, c'était du même acabit, hein. Donc, non, ces gens se croient tout permis, au-dessus des lois. Ils n'y pensent même pas. C'est comme ça, voilà. Il y a même une espèce de délectation de la cruauté. Et puis, le baron de Pède qui dit « il faut les tuer tous, jusque aux chats ». Oui, je ne suis pas très sûr qu'il ait dit ça, mais enfin... On n'y était pas. Oui, on n'y était pas. Non, mais il y a une tradition qui est amusante dans le Luberon, puisque quand vous êtes au château d'Opède, là-haut, je ne sais pas si ça se fait toujours, ça se faisait il y a quelques années, c'était une tradition, en milieu protestant, bien entendu. C'était que quand on était là-haut, les femmes crachaient contre le mur du château et les hommes pissaient contre. Voilà, en souvenir de Meunier d'Opède. Ah oui. Oui. 1545, le massacre des Vaudois du Luberon. Anne Fleury, Olivier Chaumel. Avec Jean-Jacques Dias, historien, Claude Rouze, Élodie Burger, guide conférencière, Gabriel Audizio, historien et paléographe, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, Michel Walter, président de l'Association d'études vaudoises et historiques du Luberon. Merci à Catherine Beaucourt et Jean-Pierre Rissoin. Texte lu par Hélène Losseur. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Attaché de production, Marion Dupont, Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Prise de son, François Rivalan et Audrey Guélil. Mixage, Claude Nior. C'était donc le dernier volet de notre série consacrée à l'histoire des hérésies. Vous pouvez réécouter ce documentaire sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Demain, l'émission Histoire Actualité, comme tous les vendredis.